Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 72e émission, nous avons le plaisir de recevoir Marion Sigaud. Marion, bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous, Marion ? Bien, bien, très bien. Marion, on ne vous présente plus, vous êtes historienne et écrivain. Membre d'ailleurs du Bureau National du Parti Civitas ? Non, je ne fais pas partie du parti, je ne suis pas encartée au parti, mais je fais partie des soutiens de Civitas, voilà. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, 21 au total, déjà. Ça m'en a fait écrire 17 sur les 21, parce qu'il y a quand même quelques rééditions. Mais même les rééditions, je les ai retravaillées beaucoup, beaucoup. Donc, effectivement, j'arrive donc maintenant à un chiffre important. Assez important. Qui... Ouais. Dont plusieurs aux éditions Contre Culture. Oui. Alors, nous ne les listerons pas tous ici, citons simplement vos manuels d'histoire. Oui. Petit livre au format poche, apparenté au que sais-je, et qui traite de sujets variés. Je citerai de la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, la chasse aux sorcières et l'inquisition, la mort du roi et les secrets de Saint-Fargeau, et vous sortez dernièrement, Marion Sigaud, votre quatrième manuel intitulé « Le tournant de la régence ». Toujours aux éditions Contre Culture, nous allons en parler tout de suite, mais avant cela, Marion et chers auditeurs, laissez-moi vous dire que je suis avec Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Marion Sigaud, situons tout de suite cette période de l'histoire que vous évoquez dans votre livre, La Régence, 1715-1723, période située entre la mort de Louis XIV et la majorité du roi Louis XV, donc ses 13 ans, où la France fut gouvernée par le neveu du roi défunt, Philippe d'Orléans. Avant d'aborder le fond de votre livre, parlons de sa genèse, comme on dit. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cette période de l'histoire précisément ? Quand on veut comprendre ce qu'ont été les querelles ecclésiastiques qui émaillent tout le règne de Louis XV, le cœur des querelles ecclésiastiques démarre pendant la Régence. C'est-à-dire, quand j'ai voulu comprendre, puisque j'ai croisé la guerre entre le Parlement et le roi et le Parlement et l'Église, pendant toute la période que j'ai étudiée, à un moment donné, régulièrement, j'entendais dire depuis la Régence. Donc, je suis allé regarder un document sur la Régence, et moi je suis un peu comme ça, je tombe sur un document, je veux voir ce qu'il y a autour. Je refouille, je reviens en avant, je reviens en arrière et j'ai fini par étudier la Régence mais pendant plusieurs années. Quoi. Donc j'ai accumulé un certain nombre de fiches sur la Régence qui est une période absolument truculente mais passionnante. Faire un livre sur la Régence, même quand je ne l'envisageais pas encore, j'en avais envie. Et depuis le début, depuis que j'ai repris mes études, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de tout ce qui m'a passionné en histoire. C'est essentiel, la Régence. Et je dis, c'est également truculent. C'est plein d'anecdotes. C'est une période passionnante. Alors, votre livre démarre sur les chapeaux de roue avec la mort du roi Louis XIV. Oui. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous raconter le contexte de cette mort ? Le roi Louis XIV meurt à la fois diminué, il était en fauteuil roulant, il avait une santé étonnante, une vitalité étonnante, mais il faisait beaucoup d'excès et il était quand même physiquement très diminué, il lui manquait des dents, il avait un trou au palais, il marchait plus, enfin bon. Et il est vraisemblablement... Il avait plus de 70 ans. Il avait 78 ans. 78. Et son épouse en avait 82. Oui. On dit toujours que nos aïeux mouraient à 35 ans. Oui, ben non, pas tous. Il y en avait qui vivaient très vieux. Et le roi n'était pas le plus vieux à la cour. Il y avait certainement des personnages qui ont vécu plus longtemps que lui. Il est mort vraisemblablement des suites d'une insolation après avoir fait une indigestion. Il était tellement glouton et il avait passé une après-midi à cheval au mois d'août en plein soleil et il a dû se coucher et il s'est pas relevé. Voilà. Donc il a eu une fin à la fois physiquement très très pénible parce qu'il a eu une grande diminution de ses capacités et de ce qui fait la dignité d'un homme et Louis XIV était un personnage qui était sans cesse en représentation. Donc devenir un continent et quasiment gâteux, avoir développé une gangrène à la jambe, enfin c'est très éprouvant pour la dignité de n'importe qui, mais en particulier certainement la dignité de quelqu'un comme le grand roi. Il est mort avec énormément de dignité, sans jamais abandonner aucun aucune des grandes qualités qui avaient été les siennes, c'est-à-dire un sens suraigu de l'État, de ses responsabilités, et jusqu'au bout, il a continué de diriger son royaume. Et dans les dernières années de sa vie, il voit sa descendance absolument décimée. Alors, le drame, un des nombreux drames de la fin de la vie de Louis XIV, parce qu'il y en a eu beaucoup, il a eu des guerres qui ont failli lui faire perdre son royaume, enfin, ça a été très très, très, très pénible, il y a eu en plus des problèmes climatiques très très graves, il y a eu un hiver abominable en 1709, mais abominable, ça a été une mini-glaciation qui a fait énormément de morts. Enfin, déjà le réchauffement climatique. C'était déjà le réchauffement climatique, oui, il y a eu une mini-glaciation, et le roi qui avait vraiment toute sa descendance assurée, a perdu en l'espace de quelques mois, c'est-à-dire en moins d'un an, son fils, son petit-fils, sa bru et son arrière-petit-fils. Et il ne restait plus pour assurer sa descendance qu'un frêle enfant dont on craignait même qu'il ne puisse pas vivre. C'est le futur Louis XV, alors qu'il a vécu jusqu'à un âge tout à fait canonique, puisqu'il a atteint 64-65 ans, je crois. Et, mais le roi a eu comme souci, entre autres, à la fin de ses jours, d'assurer sa descendance, parce que avoir fait autant d'enfants, s'être autant soucié qu'il l'a fait lui de bien les former au métier de roi. Enfin, il avait suraigu le sens de ses responsabilités et du bien qu'il était là pour accomplir. Quand il s'est retrouvé avec simplement ce frêle enfant comme unique descendance, il a opéré des mariages entre ses bâtards et les membres de sa famille. Qu'il a eu avec Madame de Montespan. Voilà. Madame de Montespan, qui était une femme mariée, donc les enfants qu'il a eus avec Madame de Montespan sont l'objet d'un double adultère. Le roi était marié, il a eu des enfants avec une femme mariée avec quelqu'un d'autre, donc c'était les enfants d'un double adultère qui, de par la tradition dans la royauté française, ne pouvaient en aucun cas prétendre au trône. Et quand Louis XIV a vu ce qu'il en était de sa descendance, il a voulu, d'une manière ou d'une autre, assurer la possibilité à ces bâtards de pouvoir accéder au trône. Et ça a fait l'objet d'une bronca, alors à l'origine discrète, parce que du vivant du grand roi, personne ne disait rien, mais il était hors de question pour la cour de laisser faire une infamie pareille. Un bâtard, ça reste un bâtard, sinon c'est pas la peine de considérer que le mariage est quelque chose d'important, c'est l'un ou c'est l'autre. Et donc plus tard, ces deux enfants de Louis XIV vont être dépossédés par la régence. Voilà, exactement. De leur droit de, comment dirais-je, de leur droit à la succession. De succession. De leur droit à la succession. Et ils vont même être publiquement humiliés parce que le roi leur avait assuré un certain nombre de charges qu'on aurait retirées dès que ça a été possible. C'était impensable. Faire régner des bâtards, ça remet en question pas seulement la royauté, ça remet en question le mariage également. Enfin, je veux dire, d'autant plus que Louis XIV avait opéré un virage religieux à la fin de son règne. Il avait opéré un virage religieux, oui. C'est-à-dire qu'il avait épousé, après avoir été un roi flamboyant, un amant flamboyant également, bon, sur le tard, il avait quand même sa flamboyante maîtresse, Madame de Montespan, avait fait dans la sorcellerie, elle a participé vraiment à des abominations, à vraisemblablement des messes noires. Alors je sais qu'il y a des historiens qui le contestent, mais il y en a d'autres très sérieux qui apportent des preuves de ces choses-là. Donc le roi a cessé, je veux dire, je peux pas dire qu'il se soit assagi, mais si, il s'est assagi, et il est tombé sous le charme incontestable d'une femme qu'on considérait comme dévote. Mais dévote, ça ne veut pas dire bigot. Hein. Les dévots et les bigots, c'est pas... Enfin, je sais que ça peut sembler comme ça synonyme, mais ce n'était pas vraiment le cas. Françoise de Maintenon, qui était une veuve, était certainement dévote, mais certainement pas bigote. C'était une femme simplement sérieuse. Oui, on l'a dit, très froide, plutôt... Elle n'était pas si froide que ça, je crois, parce qu'elle n'était pas froide du tout, même, disons qu'elle était... Elle était très sérieuse, c'était une très belle femme. Elle était très sérieuse et elle affichait la vertu, quoi. Et le roi lui avait confié... Enfin, c'est même pas le roi, c'est sa maîtresse, hein, c'est Madame de Montespan, avait confié à cette belle veuve le soin d'élever ses enfants, c'est-à-dire les bâtards du roi. Et à force de bien élever ses enfants, elle s'est rapprochée de leur père, parce que Louis XIV était un père qui aimait ses enfants. Il venait leur rendre visite, et à force de rendre visite à ses enfants, il a fini par rendre visite à leur gouvernante, et il est tombé amoureux d'elle. Et quand il est tombé amoureux de cette belle Françoise de Maintenon, quand il s'est retrouvé veuf, il l'a épousée. Il l'a épousée, alors discrètement, parce qu'on n'épouse pas publiquement, quand on est un roi, une femme qui vient de la roture, mais l'amour a ses règles. La volonté du roi s'est fait savoir, enfin s'est fait connaître comme ça. Il l'a épousée en toute discrétion, mais il l'a épousée, il l'a convolée. Dans une relation qui a duré 30 ans, plus de 30 ans. Il ne pouvait pas se passer d'elle. J'ai lu une biographie de Madame de Maintenon. Le roi était empressé auprès d'elle jusqu'à la fin. Il avait une femme à la fin qui avait 80 ans, dont il ne pouvait se passer, qui était tout le temps avec lui. Elle était tout le temps avec lui. Il ne pouvait pas se passer d'elle. Cela explique aussi peut-être en partie le combat qu'a mené Louis XIV contre les jansénistes. Alors, c'est pas exactement ça. On a voulu à un moment donné rendre Madame de Maintenon. On a voulu la rendre responsable de la tyrannie qui a été exercée, enfin de la guerre qui a été menée contre les protestants. Je crois que ce sont des réactions un peu misogynes du moment que ça tournait mal et qu'on veut défendre le roi, on va accuser sa femme. Je suis pas sûre que ça ait véritablement eu une incidence. Maintenant, la guerre qu'il a menée contre les jansénistes, c'est pas elle. Les jansénistes sont des gens qui se sont organisés. J'ai fait une série de conférences récemment, hein, donc on va pouvoir les voir. Et on m'a demandé d'ailleurs si je voulais faire un manuel d'histoire là-dessus. Faudra y songer, si Dieu me prête vie et que j'ai le temps. Alors rappelez-nous ce que sont les jansénistes. Donc, les jansénistes, ce sont des gens qui se sont organisés en 1620, c'est-à-dire sous le règne de Louis XIII, pour, on va dire, renverser la religion chrétienne. Ce sont des gens qui ne veulent pas que la religion catholique perdure telle qu'elle est. Ils veulent renverser des fausses idées, les faux dogmes. Tout en restant dans, c'est une forme de protestantisme qui ne veut pas rompre avec Rome. Mmh. Et il y a ce qu'on appelle le complot de Bourgfontaine, qui est une rencontre secrète de gens qui disent « nous allons renverser la religion catholique ». Et la façon qu'ils ont de ce qui est dit dans le rapport de Bourgfontaine, puisqu'un des participants à Bourgfontaine a raconté ce qui s'était passé, la démonstration que le rapport qu'il en a fait est juste, c'est que ce qu'on voit jusqu'à la Révolution, c'est précisément ce qu'on trouve dans le rapport. C'est-à-dire une façon d'attaquer la religion par tous les moyens possibles, sans avoir l'air d'y toucher, en ridiculisant l'adversaire, en prenant toujours des poses de martyr, en mentant délibérément et tout. Donc, quand le jansénisme a commencé, c'était sous le règne de Louis XIII, successivement Richelieu puis Mazarin à la mort de Richelieu et à l'arrivée de la précédente régence pendant la jeunesse du petit Louis XIV, ont compris que c'était un danger très grave pour le royaume, pour la religion, donc pour le roi. Je veux dire, on ne pouvait pas séparer les intérêts de l'Église des intérêts de la royauté. Donc Louis XIV s'est opposé aux jansénistes en son âme et conscience parce qu'il était là pour ça. Parce qu'il y avait cette bulle papale. Alors, c'est lui qui l'a demandé. Quand Louis XIV en a eu assez de toutes ces disputations perpétuelles sur est-ce que les jansénistes aient raison ou est-ce qu'ils ont tort, il a demandé au pape de trancher. Et une fois que le pape avait tranché, en principe, les choses auraient dû s'arrêter là. Si vous avez des querelles théologiques et que vous faites appel au pape, en principe, le pape est là pour trancher. Alors, le pape a tranché, il a dit le jansénisme est hérétique. Il a promulgué une bulle en 1713, la bulle Unigenitus, et Louis XIV est mort avant d'avoir pu la faire enregistrer. Enregistrer, ça veut dire la rendre effective. Dans le royaume de France, toute décision, qu'elle soit du pape ou qu'elle soit du roi, pour qu'elle soit valide, c'est-à-dire qu'elle entre en application, il faut qu'elle soit mise dans les registres, et ce sont les magistrats du Parlement qui enregistrent les décisions. Et Louis XIV est mort avant d'avoir pu faire enregistrer la bulle. Et voilà, et à la mort de Louis XIV, la querelle va reprendre. Et Louis XIV, sur son lit de mort, a fait venir le cardinal de Noailles, qui était pro-janséniste, et sur son lit de mort, alors qu'il lui a dit avoir beaucoup d'admiration pour sa piété et sa grande bonté, lui a dit qu'il souffrait d'avoir à s'opposer à lui, mais que jusqu'à son dernier souffle, il lui demanderait de renoncer au jansénisme. Voilà, donc le roi est resté le roi jusqu'à son dernier souffle, vraiment. Alors que maintenant que nous avons présenté le contexte de la mise en place de la régence, j'aimerais que vous nous racontiez comment cette régence se matérialise dès septembre 1715. Alors, le roi meurt le 1er septembre 1715. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'en fait, vous ouvrez votre livre sur ça. C'est l'une des premières phrases de votre livre. Vous dites que les Anglais avaient prévu cette date. Les Anglais avaient fait des paris au mois de juin qu'il mourrait le 1er septembre. Et quand le roi à l'époque, avait, on le sait par un baume du roi, quand il avait fait un excès alimentaire, il dit, si je continue comme ça, de me porter comme un charme comme ça, et de manger de si bon appétit, je ferais mentir les Anglais qui ont parié, enfin, qui ont fait une gageure que je mourrais le 1er septembre. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. C'est impressionnant, d'autant plus à la lecture de ce qui a été fait ensuite pendant la Régence, c'est-à-dire un revirement géopolitique de la France. Absolument. Ouais. C'est-à-dire un rapprochement de la France avec l'Angleterre. On en parlera plus tard. On en parlera. Mais donc là, le roi Louis XIV meurt. Alors, le roi Louis XIV meurt. Quelle est la situation politique au moment de sa mort? Il a mis les jansénistes en prison, qui sont vraiment des empêcheurs de gouverner en rond. Les jansénistes sont une épine dans le pied systématique de la royauté. Donc, il a mis les jansénistes en prison. Et surtout, il a maté les parlements qui sont sans arrêt. Les parlements prétendent toujours, avant chaque enregistrement dont je viens de parler, faire précéder l'enregistrement de remontrances préalables. C'est-à-dire... avant d'enregistrer une loi, les parlements ont pris l'habitude, les magistrats ont pris l'habitude de prévenir le roi de la conformité de la nouvelle loi avec les précédentes, ce qui est une fonction d'information qui est tout à fait louable, sauf que petit à petit, les magistrats sont arrivés à dire qu'ils pouvaient également empêcher l'enregistrement. Et ça, Louis XIV ne l'entendait pas de cette oreille. Son père non plus, et son grand-père est identique. Je veux dire, de Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, on dit au Parlement de se mêler de leurs affaires et qu'on voulait bien leurs avis, mais on ne voulait pas de leurs conseils. On ne voulait surtout pas de leur diktat. Et Louis XIV avait retiré au Parlement le droit de remontrance. C'est-à-dire, vous êtes là pour juger en mon nom. Quand on vous demande d'enregistrer quelque chose par ailleurs, parce que c'est deux choses, c'est d'une part rendre la justice au nom du roi, ça c'est la première prérogative des parlements, des juges, et la deuxième c'est d'enregistrer. Donc, juger en mon nom, et pour l'enregistrement, nous voudrons bien entendre vos remontrances une fois que l'enregistrement sera fermé définitif, une fois qu'il sera validé. Donc, la situation à la mort du roi est la suivante. Un, il veut que ces bâtards puissent entrer dans la ligne de succession au cas où le petit roi, le futur petit roi, le petit Louis XV, viendrait à mourir. Il a enfermé les jansénistes et il a bridé les parlements. Eh bien, le 2 septembre au matin, Philippe, futur régent, va au Parlement et leur explique que si les parlements lui donnent à lui la régence pleine et entière, sans en référer à qui que ce soit d'autre, il va leur rendre le droit de remontrance. Chose que le roi ne voulait pas. Mais c'est précisément ce qu'il ne voulait pas. Alors, là, on a le testament de Louis XIV qui précisait bien qu'en réalité, il y avait un conseil de régence que devait présider Philippe d'Orléans. Mais lui, ce que veut Philippe d'Orléans, c'est ne pas présider un conseil, c'est diriger la France. Il veut la régence pleine et entière. Et il l'a. Le roi meurt le 1er et le 2 au soir. Les parlements sont de nouveau en selle avec le droit de remontrance. Philippe, qui est un homme parfaitement intelligent et tout à fait honnête, hein, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Je n'en ai jamais eu et je n'ai pas croisé de gens qui puissent prétendre le contraire. Oui, Philippe, ça c'est étonnant. Vous le décrivez un peu comme une sorte de naïf qui ne sait pas trop où il met les pieds. Je crois que c'était un tempérament un peu. Oui, il a pas vu. Il a fait des choses incroyables, justement. D'ailleurs, c'est la thèse de votre livre. Je le dis tout de suite, c'est que justement à partir de cette régence, enfin dans cette régence, vont être contenus tout ce qui va ensuite faire que la royauté va s'effondrer en 1789. Philippe a une part de responsabilité énorme là-dedans, mais on ne peut pas lui jeter la pierre. Ça dépend. Moi, je suis pas là pour jeter la pierre au sens moral. Il a une responsabilité énorme dans la chute de la royauté. Mais il n'a été ni forcément léger, ni certainement pas mal intentionné. Je pense qu'il a cru bien faire. Honnêtement, il a cru bien faire. Parce que la tension, l'autoritarisme du roi était devenu odieux, devenait de plus en plus odieux. La fin du règne de Louis XIV est lugubre, c'est sinistre. Et tout ce qui va être présenté au peuple comme un changement a pu représenter un bol d'air, un souffle. Quoi. En plus de ça, les jansénistes savaient bien passer pour les persécuter, ce qu'ils étaient. Hein. Ils ont réussi à se faire persécuter, ce qui leur donnait une belle occasion de se faire plaindre. Et quand les jansénistes sont sortis de prison le 2 au soir, ça a été les applaudissements. Quoi. Les gens étaient contents, ça y est, on va enfin pouvoir respirer. Donc, le régent, en 24 heures, alors il a fait plusieurs choses. Un, pour avoir la régence... Il a promis... Des gages aux jansénistes. Il donne des gages aux jansénistes et à la magistrature. Mais la magistrature et les jansénistes, on se rend vite compte que c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est ça. Il y a énormément de jansénistes qui ne sont pas magistrats. Il y a des magistrats qui ne sont pas jansénistes. Mais le nœud central du jansénisme est au Parlement de Paris. Et le propre du jansénisme, par rapport à l'absolutisme royal, c'est ça qu'il faut définir, c'est que Pour les jansénistes, il y a les élus et les autres, alors que le roi est le roi de tous ces sujets. Il n'y a pas le roi plus des uns que pour les autres. Et pour les jansénistes, Jésus-Christ est mort pour les élus et pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a à la fois vis-à-vis de la royauté et vis-à-vis de l'Église une forme d'élitisme qui fait que le pays est ingouvernable. Aucun roi ne peut gouverner correctement s'il donne trop de gages aux jansénistes. Les jansénistes veulent partager le pouvoir avec le roi. Et ils veulent partager le pouvoir avec le pape. Les jansénistes sont des gens qui prétendent, à la magistrature janséniste, sont des gens qui prétendent que le Parlement peut partager le pouvoir et avec le roi et avec l'Église. Et c'est, partager le pouvoir, c'est l'enfer. Ils veulent l'immixtion des laïcs dans le religieux. Ils veulent l'ingérence du laïc dans le religieux. Les jansénistes sont des gens qui disent que, par exemple, pour ce qui concerne des sacrements, un juge peut juger si un pénitent est en état de recevoir les sacrements ou pas, ce qui est complètement indu. Il est évident que, en plus de ça, c'est évident pour nous aujourd'hui, c'est évident pour les gens à l'époque. Il est bien évident que quand on lit par exemple le journal de Barbier dit les magistrats ont des prétentions qui sont inouïes, qui sont complètement ridicules. En quoi voulez-vous juger si un tel ou un tel peut recevoir les sacrements ou pas? Mêlez-vous de vos affaires, il y a une église pour juger les affaires religieuses, et vous y avez des magistrats pour juger des affaires qui relèvent de la société civile. Et ça n'a rien à voir. Or, les magistrats voulaient absolument interférer, ils voulaient l'ingérence du laïc dans le religieux. Et ça va durer jusqu'à la Révolution française et ça mènera à la Constitution civile du clergé, qui est le triomphe de ces théories. La Constitution civile du clergé, c'est la soumission de l'Église à l'État. Et toutes les querelles jansénistes, depuis la Régence jusqu'à la Révolution française, c'est ça, c'est une tentative d'ingérence du civil dans le religieux. Et sur le plan des relations internationales, la Régence de Philippe d'Orléans va opérer un véritable bouleversement. Alors, par l'intermédiaire d'un très fin diplomate qui est l'abbé Dubois, qui est l'ancien précepteur de Philippe. Philippe a été un petit garçon extrêmement bien élevé, ses parents, à savoir le frère du roi, et la Madame Palatine, une solide Allemande. Il a reçu une éducation extrêmement soignée, extrêmement complète, d'un jeune homme qui avait fait ses études chez les jésuites à Brive-la-Gaillarde. Il était fils d'apothicaire, c'était un jeune homme tout simple, issu d'une bourgeoisie honnête, et il était tellement brillant que de relation en relation, on lui a demandé un jour s'il voulait assurer l'éducation d'un jeune prince, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé précepteur de Philippe d'Orléans. Il lui a donné une éducation absolument complète. Vous dites que les jésuites sont l'antithèse des jansénistes. Oui, c'est la bête noire. Les jésuites sont la bête noire des jansénistes. Et ça, les jansénistes les poursuivront jusqu'à la mort, et ils l'obtiendront la mort, hein, puisque les jésuites ils réussiront à obtenir l'interdiction des jésuites. Pour revenir à l'abbé Dubois, quand Philippe va arriver au pouvoir, le petit jeune homme va devenir donc régent de France, et il est toujours avec son précepteur, avec qui il forme une paire absolument truculente, à la fois d'intelligence, mais de joie de vivre et de gouaille. Enfin, ce sont vraiment deux personnages assez intéressants. Et l'abbé Dubois est très très fin en diplomatie, et Philippe l'envoie en Angleterre, et il va opérer, il va faire la paix avec l'Angleterre. Et l'Angleterre, c'est quand même l'ennemi héréditaire. Donc l'abbé Dubois va réussir à faire une multiple alliance qui va permettre de sauver la paix en Europe, et il a une responsabilité très très importante dans en matière diplomatique, et Philippe lui a entièrement fait confiance, et il a opéré un rapprochement avec l'Angleterre, mais apparemment pour le bien de tout le monde, hein, c'est pas la suggestion à l'Angleterre, hein, contrairement à ce qu'on a dit. Pas pour le bien de l'Espagne. Pas pour le bien de l'Espagne, voilà. Alors l'Espagne posait un problème, parce que le roi d'Espagne était fils de Louis XIV. Et des gens qui étaient contre, qui envisageaient que le petit Louis XV vienne à mourir, ne voulant pas de bâtard, disaient on va pouvoir faire un rapprochement avec la couronne d'Espagne. Et on a accusé Philippe de vouloir également renverser le petit roi et devenir roi lui-même. Et là, vous dites que non. et que non, absolument pas. Alors ça c'est absolument faux. Mais à un moment donné, l'Espagne a représenté quand même un danger pour la France, parce que il y a des gens à la cour de France qui ont comploté pour renverser le régent au profit de la couronne d'Espagne. Et ça, c'est non. Hein. L'Espagne, c'est l'Espagne. La France, c'est la France. C'est pas parce que le roi d'Espagne est fils du roi de France, de feu le roi de France, que l'Espagne va gouverner la France. Voilà. Donc l'alliance s'est faite effectivement. Bon, à un moment donné, il y a eu la guerre entre la France et l'Espagne. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça s'est assez rapidement terminé. Et donc ce rapprochement de la France et de l'Angleterre au détriment de l'Espagne va avoir pour conséquence un complot dont vous parlez dans votre livre. Ah, c'est un complot d'opérette, c'est rigolo comme fomenté tout. Fomenté par Célamare et la Duchesse du Maine. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors la Duchesse du Maine, elle a épousé le duc du Maine, qui était le bâtard de Louis XIV. Et elle était... L'un des deux dont on parlait tout à l'heure. L'un des deux, voilà. Et elle était impérieuse, elle était odieuse, elle était, paraît-il, haute comme trois pommes, elle avait la taille d'une enfant de 10 ans, elle était aussi méchante qu'elle était petite. Et elle a fomenté un complot d'opérette. Mais c'est tellement drôle, ces histoires-là, parce que les conjurés qui voulaient, avec l'aide de l'ambassadeur d'Espagne, renverser la régence, étaient suivis, mais heure par heure, par les agents de l'abbé Dubois, qui étaient au courant intégralement de tout leur complot, et ils se sont fait cueillir comme des pieds nickelés. Enfin, la conspiration de Célamare, c'est vraiment une histoire très très drôle. Il se trouve que l'ambassadeur d'Espagne avait besoin d'un copiste pour envoyer ses dépêches. Et il avait pris comme copiste un monsieur qui avait l'esprit tout à fait patriotique et qui, au fur et à mesure qu'il copiait les courriers de Célamare, envoyait toute l'information au ministre du régent, qui était au courant de tout. Et alors, il y a des anecdotes qui sont absolument truculentes, où les conjurés se passent des rendez-vous avec des mots de passe, et ils sont suivis mais au centimètre, quoi, par les agents du régent. C'est très très drôle. Et un matin, ils se sont fait cueillir, et voilà, ça s'est arrêté là. La Duchesse du Maine a été admonestée, on l'a envoyée en exil, puis après elle est revenue, et le malheureux duc du Maine a dit que non seulement il était bien malheureux d'avoir trempé dans un truc où il ne voulait pas du tout y participer, c'est sa garce de femme qui l'avait poussé, mais qu'en plus de ça, on avait le droit de se moquer de lui, parce que se laisser dominer par une garce, enfin, c'est moi qui dis garce, c'est pas lui, mais se laisser dominer par une mégère pareille, c'était la honte pour un homme, quoi, voilà. Donc ça, c'est les aspects très rigolos de la... Alors, ce complot contre... Des anecdotes de la Régence. Ce complot contre la Régence est certes ridicule, ouais, mais il n'en reste pas moins vrai que ce que vous dites dans votre livre, c'est que l'héritage de Louis XIV et toute sa politique a été cassé dès le lendemain de sa mort. Et qu'en réalité, c'est une véritable trahison, même si vous dites que Philippe d'Orléans était... Voilà, c'est ça. Ou une pré-révolution. Ben, c'est-à-dire qu'il y a eu un redressement par la suite. Mais par exemple, il y a eu ce qu'on appelle l'épisode de la police inaudite. Voilà. Comme Louis XIV. Voilà. La police inaudite, c'est intéressant. Louis XIV était très autoritaire. C'était lui d'abord, c'était lui qui décidait. Alors il écoutait les conseils de ses conseillers, parce qu'un roi, ça sait faire ça. Donc il avait des conseillers, il écoutait leurs conseils, mais il faisait comme il l'entendait. Donc le conseil du roi, c'est quoi ? C'est le roi qui siège avec ses ministres, je vous écoute, et ensuite c'est moi qui décide. Philippe a eu une très très bonne idée. On m'a dit, on va faire la police inaudite. Tous les nobles qui avaient été bridés par Louis XIV, bon, c'est de notoriété publique, hein, Louis XIV, enfin, même ceux qui connaissent pas bien l'histoire connaissent au moins ça, Louis XIV avait, disons, asservi la noblesse en la transformant... Depuis la fronde. Ben, la fronde, il avait 4 ans, donc c'est depuis toujours. Hein. Il avait brimé, enfin, il tenait la noblesse en laisse. En les faisant venir à Versailles, par l'étiquette. En leur faisant respecter une étiquette extraordinaire, et surtout en leur faisant rien faire. Et la noblesse trépignait. Enfin, je veux dire, on n'est pas noble comme ça, en disant, bah oui, majesté, on va ramper devant le roi, on va trouver ça bien. Et Philippe a cru bon de créer un mode de gouvernement par conseil. Alors, au lieu d'avoir un ministre responsable d'un ministère, il a eu autant de conseils. Il y avait le conseil de ceci, le conseil de cela, le conseil des affaires étrangères. Donc, c'était la cohue au gouvernement. Et en plus de ça, avec des querelles de préséance, c'était ingérable, c'était ingouvernable. La police inaudite a duré, je crois, un an ou deux. Enfin, là, je suis pas très bonne au niveau... Enfin, ma mémoire peut me trahir. Votre mémoire flanche. La police inaudite a été une cohue invraisemblable. C'était absolument ingouvernable. Au bout d'un moment, Philippe a dit, bon, allez hop, on revient au statu quo ante. C'est l'abbé Dubois qui lui a dit, allons-y, on resserre la vis, on a supprimé les conseils et on a repris des ministres comme dans l'ancien système. En attendant, ça a été bien 2 ans de foire d'empoigne. Ça a été foire deux ans ingouvernables. Mais parmi ces ministères, qui aura plus tard un ministère des cultes. Alors, le ministère des cultes. Alors, qu'est-ce que fait Philippe ? C'est vraiment... Là, c'est pire que pas intelligent, je veux dire, c'est monstrueux. Il va chercher pour faire, il va créer un ministre, un conseil de conscience, oui. C'est-à-dire une espèce de super ministère, conseil de conscience, super ministère des religions. Oui, c'est ça. Voilà, super ministère de la religion. Et il met à la tête de ce super conseil de la religion le cardinal de Noailles qui se trouve être janséniste. C'est-à-dire le même que le jour de sa mort ou quelques jours avant sa mort, Louis XIV avait exhorté de se plier à la bulle unigénitus et de renoncer au jansénisme. C'est à ce moment-là, c'est celui-là que Philippe va prendre pour diriger le conseil de conscience, c'est-à-dire élaborer la politique, donc la politique religieuse de la France. Il est bien évident que le cardinal de Noailles va immédiatement donner tous les gages possibles aux jansénistes, c'est-à-dire aux ennemis de la royauté absolue. Donc, qu'est-ce qu'il voulait, Philippe ? Il voulait partager la royauté avec tous ces gens-là ou il essayait de ménager la chèvre et le chou ? Il a essayé de ménager la chèvre et le chou, il n'a pas réussi, il a eu la guerre avec les jansénistes. Et alors, au début de la régence, les jansénistes étaient... peu nombreux, il y avait relativement peu de jansénistes dans l'Église de France, et puis intimidation, bah, ils ont commencé à faire des petits, et puis il n'y avait plus moyen de se faire obéir, ça a été vraiment... Une des premières choses qu'a fait le cardinal de Noailles quand il est arrivé, il a interdit aux jésuites d'administrer les sacrements sur son diocèse. Alors si des prêtres ne peuvent plus administrer les sacrements, c'est quoi ça? C'était vraiment la guerre. Alors il y a des jésuites qui sont venus se plaindre à Philippe, qui a dit, oh bah, quand c'était votre tour, quand c'était le tour d'avant, vous saviez bien les embêter. Maintenant, chacun son tour. Vous n'aviez qu'à mieux vous comporter avant. Il ne voulait pas rentrer dans le fond des querelles. En matière religieuse, Philippe était indifférent. Il ne voulait pas entrer dans le fond des querelles. Alors que moi, qui étudiais quand même un peu le fond de la querelle janséniste, je pense que Louis XIV avait raison de lutter contre les jansénistes. Philippe, il s'en fichait de savoir s'il avait raison ou tort. Il voulait la paix et il s'est trompé. Il a eu la guerre. Mais Marion, vous êtes indulgente à l'égard de Philippe d'Orléans ? Oui, je suis très indulgente, ouais. Oui, je remarque. Oui. Alors, bah, il a été beaucoup calomnié, j'aime pas les... Bah oui, je suis indulgente, mais de toute façon, d'abord, je suis pas de là. De la même façon qu'à l'égard de Louis XVI ? Bah moi, je suis indulgente, ouais, avec l'égard de Louis XIV aussi, Louis XV aussi, Louis XV aussi. Oui, mais là, on sent bien que... Vous avez déjà entendu parler de Louis XV ? On sent bien que c'est à partir de Philippe d'Orléans que le verre est dans le fruit. Mais complètement, c'est indéniable. Donc c'est quand même plutôt grave. Et... Mais bien sûr, c'est grave, c'est très grave. Et également sur le plan économique. Avec l'arrivée de John Law en France. Alors, sur le plan économique, là, il faut dire que... Alors, encore à la décharge de Philippe, il est arrivé... Une première libéralisation. Voilà, mais à l'écharge. Au moment où Philippe arrive au pouvoir, il y a une dette abyssale de l'État. Abyssale, pourquoi ? Parce qu'il y a eu des guerres, que les guerres coûtent cher, et qu'en matière de finances, quand il y a une guerre, il y a des urgences. Le roi, s'il a besoin de tant de chevaux, s'il a besoin de tant de foin, s'il a besoin de tant de soldats, il lui faut tout de suite, et un roi de France, ça ne va pas chez les gens en saisissant ce qui se passe, comme ça, il faut payer, ben, il faut de l'argent. Si mais un État peut battre monnaie. Là, ils ont fait le choix de s'endetter. Oui, on s'endette. Le roi s'est endetté et le trésor royal est tombé entre les mains d'Aigrefin, absolument sans scrupule. Et une des premières choses qu'a faite Philippe quand il est arrivé au pouvoir, ça a été... Alors, c'est encore plein d'anecdotes truculentes. Il a dit, on va mettre de l'ordre dans les comptes. Alors, première chose, tous les gens qui ont une créance sur le roi vont venir la justifier. Ah bah comment ça ? Bah d'abord, déclaration de patrimoine et justification de patrimoine. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tous les gens qui s'étaient enrichis sur la misère du pauvre peuple, qui avaient spéculé sur les blés et tout, ont été obligés de venir déclarer leur patrimoine. Et alors, c'était pas une façon de parler. Hein. On disait à tout le monde, vous allez faire une déclaration de patrimoine. Sans déclaration de patrimoine, vous êtes saisissable. Hein. Et vérification sera faite. C'est-à-dire qu'il fallait faire des déclarations de patrimoine juste. Et une fois qu'on avait fait sa déclaration de patrimoine, il fallait justifier d'où venait l'argent. C'est insensé. Alors, il a créé une chambre de justice qui était là pour poursuivre tous les gens qui avaient prévariqué au détriment du trésor royal. D'abord du trésor royal, puis au détriment des particuliers aussi. Alors, il y a une chambre de justice qui a siégé et qui a amené qui a révélé des fortunes absolument inimaginables, insensées. Un des plus grands prévaricateurs avait l'équivalent de 3 ou 4 cantons actuels en terre, en propriété autour de Paris. Il avait le plus grand hôtel particulier de Paris, qu'on peut voir encore aujourd'hui, puisque c'est le ministère de la Justice, l'hôtel de Bourvalet, hein, sur place Vendôme. Et on a déménagé 5 charrettes d'argenterie de chez lui pour payer ce qu'il devait. L'idée de la Chambre de Justice, c'est on fera rendre gorge aux traitants, aux voleurs, aux prévaricateurs. Ça avait un double avantage, d'une part de faire rentrer de l'argent dans les caisses et d'autre part de donner satisfaction au peuple qui mangeait des cailloux quand même, parce que en période de guerre, le peuple mange des cailloux et s'il mange des cailloux, c'est parce qu'il y en a qui s'enrichissent à ses dépens. Et les poursuites de la Chambre de Justice étaient bien vues, étaient populaires. Les gens aimaient bien voir des rupins marcher pieds nus dans la fange. Enchaîné au cul d'une charrette. C'est vrai que c'est un certain style. Aujourd'hui, on dit que aujourd'hui, on dit que le prisonnier, enfin l'inculpé, doit avoir sa dignité respectée. À l'époque, c'est la dignité, c'était le dernier truc. Hein. Il y a eu des gens immensément riches qui ont subi l'humiliation d'être la tête et les mains dans un carcan, à recevoir les insultes du peuple qui criaient voleur, assassin, salaud et tout. Et puis, il y en a qui sont, comme je viens de vous dire, qui ont traversé Paris les pieds dans la boue. Vous semblez le regretter, Marion. Oui, je crois que la honte est le premier des châtiments. Et on épargne la honte aux coupables, et je crois que c'est une erreur. Je pense qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice sans réparation, et il n'y a pas de réparation s'il n'y a pas minimum la honte pour le forfait. Et vraiment, je le pense maintenant. J'en ai parlé à un de mes oncles qui m'a dit, mais enfin Marion, comment peux-tu dire une chose pareille et la dignité des gens? J'ai dit, mais enfin, le châtiment, c'est quelque chose qui existe. Pourquoi? Comment peut-on prétendre imposer un châtiment à quelqu'un qui est reconnu coupable, hein, je ne parle pas du châtiment arbitraire, quelqu'un qui est reconnu coupable, si on veut lui épargner la honte? La honte était véritablement le premier des châtiments. Et je pense que c'est ce que ces gens-là craignaient le plus, en l'occurrence. Ils craignaient le plus la honte. Et ils l'ont eu. Mais malheureusement, la Chambre de justice a fini par faut pas dire coûter presque autant qu'elle a rapporté, parce qu'il faut pas exagérer, mais par rapport à la dette de l'État, ça suffisait pas, c'était pas suffisant. Et plusieurs anciens ministres, enfin des personnages intelligents, importants de l'entourage du roi, du feu roi, avaient prévenu, ils disaient ne faites pas la Chambre de justice, ça servira à rien, parce que les plus gros poissons, vous ne les aurez pas, vous aurez que simplement quelques exemples, les plus gros réussiront à s'en débrouiller, et vous n'appongerez pas la dette, vous ferez simplement des ennemis. C'était assez bien vu, et finalement la Chambre de justice a fini par arrêter, elle avait à peine entamer la restitution de ce qui aurait dû. Donc, Philippe... Oui. Oui. Et Marion Sigaud, ce John Law, alors, c'est qui? Alors, John Law, c'est un Écossais, fils de joaillier écossais, un joaillier, c'est quelqu'un qui brasse de l'argent, donc de l'or, donc qui a de l'argent à prêter, et puis il était devenu financier, il avait appris à ses fils l'art de la finance, et John, à la mort de son père, avait commencé un voyage, il était féru d'affaires financières, il avait commencé un voyage à Londres, en Italie, en France, il avait vraisemblablement une martingale terrible, parce qu'il jouait énormément, il gagnait tout le temps, et alors ça, les ministres de l'Intérieur, en général, ils aiment à ces gens-là, il s'était fait chasser une fois du Royaume de France parce qu'il gagnait systématiquement et ça, c'est... Voilà. C'était pas bien. Toujours est-il qu'il a eu vent parce qu'il était bien renseigné et que la Chambre de justice ne marchait pas. Et comme il avait connu Philippe autour d'une table de jeu, il s'est représenté à lui en disant « Monseigneur, j'ai quelque chose pour vous. J'ai une idée. » Et son idée, c'était la monnaie de papier. Ça a été l'expérience de John Law. Il a proposé au régent de résorber la dette de l'État. Alors, c'est compliqué. Hein. En créant une compagnie par action, et les actions seraient payées en billets de la dette d'État. Il y a la création d'une banque royale dans laquelle les gens, les Français, viennent déposer leur argent. En échange de quoi? Ils touchent des billets. C'est-à-dire que c'est l'invention de la monnaie fiduciaire. Voilà, ils touchent des billets avec lesquels ils peuvent payer leurs impôts. Et avec ces billets, ils peuvent acheter des actions de la Compagnie des Indes, les actions de la Compagnie des Indes. La Compagnie des Indes est censée se développer sur les bénéfices futurs. Mais on entre dans une logique de spéculation, c'est-à-dire que dans la prévision de bénéfices futurs, le public achète des actions et veut les acheter de plus en plus chères. Et une spéculation effrénée commence, et on voit, et ça n'était jamais arrivé au Royaume de France, on voit le règne de l'argent roi, c'est-à-dire qu'on voit des gens s'enrichir en dormant. Ils ont acheté une action à 10 aujourd'hui, ils vont la revendre à 200 demain, et ils vont la racheter à 300 après-demain, et ils la revendront à 5000 bientôt. Vous nous dites que John Law a posé les premiers jalons de la finance spéculative. Absolument. Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais disons qu'il a introduit au Royaume de France le principe de la société anonyme et surtout de la monnaie gagée sur rien. Au bout d'un moment, il y a eu énormément de billets qui ne correspondaient pas à une encaisse véritable. À l'origine, les gens avaient déposé leur or et leur argent et on leur donnait des billets. Mais il y avait un billet pour telle quantité d'or ou d'argent. Et au bout du compte, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de billets qu'il n'y avait d'encaisse. Et il y a eu un jour une trahison absolument insigne, deux cousins du roi. Deux membres de la famille royale, deux princes, sont arrivés à la banque royale et ils ont déposé tous leurs billets en échange de l'équivalent en encaisse, or et argent. Et ils ont asséché la banque. Ils ont fait un bank run. Je ne sais pas si c'est un bank run, mais ils sont arrivés et ils sont repartis avec des carrosses pleins d'or et d'argent. Et il n'y avait plus rien dans la caisse. Et cette libéralisation économique s'accompagne d'une libéralisation aussi sur le plan des mœurs. Alors, la libéralisation sur le plan des mœurs, oui, alors libéralisation, je ne sais pas si on peut dire, c'est effondrement. Libération des coquins, des partouzeurs, quoi. Ah, il y a toujours eu des libertins. Oui, alors il y a toujours eu des libertins, mais Louis XIV en avait fait mettre quelques-uns en prison et la sortie des libertins de la prison au lendemain de la mort du roi, effectivement, ça donne encore quelques scènes cocasses. Et Voltaire s'est félicité de cette période alors, de Voltaire, régence. Alors Voltaire, ça c'est la période de la régence, c'est la période de la jeunesse de Voltaire. Alors Voltaire a beaucoup écrit sur la régence. Il dit « Le temps de la régence où l'on fit tout excepté pénitence », ça ressemble un peu à ça. Voltaire est quand même responsable, et c'est une des raisons pour lesquelles je tiens à défendre Philippe sur un certain point. Voltaire est le responsable d'une légende noire qui consiste à dire que le régent était incestueux parce qu'il couchait avec sa fille. Et ça, c'est une invention de Voltaire. J'ai cru que c'était vrai pendant longtemps que le régent était un criminel, parce que l'inceste étant un crime, ça fait du régent un criminel. Et c'est une invention de Voltaire. C'est une invention de Voltaire. Quand on lit les mémoires de la princesse palatine qui était la mère du régent, si son fils s'était comporté comme ça avec sa fille, elle l'aurait su, parce qu'il n'y a pas de raison que Voltaire le sache et que sa propre mère ne le sache pas. Il vivait quand même quasiment sous le même toit. Et elle l'aurait dénoncé. Donc elle ne l'a pas fait. C'est une invention de Voltaire. D'autre part, une autre réputation qui a été faite au régent et qui était absolument indue, était qu'il participait à des orgies abominables. Or, les orgies, effectivement, le régent participait à des orgies, sauf que le mot orgie, à l'époque, c'était une beuverie. Et c'était pas du tout une partouze. Ah, d'accord. Eh oui. Donc, effectivement, le régent passait ses nuits en orgie, c'est-à-dire qu'en fait, à passer une certaine heure, il fermait le bureau à double tour, comme on pourrait dire, et il partait baffré avec sa maîtresse et ses amis, et il roulait sous la table, mais pas pour des orgies sexuelles, il roulait sous la table parce qu'il buvait beaucoup. Voilà. Donc ça c'est les rectifications que je voulais faire au niveau des mœurs du régent. Maintenant les mœurs de la cour c'est sauvage quoi, c'est absolument sauvage. Là où le roi Louis XIV d'un coup d'œil noir pouvait ramener les gens à plus de moralité pendant la régence, personne ne jette un œil noir et tout le monde couche avec tout le monde et là vraiment c'est épique quoi. Et il y a notamment des scènes de sodomie dans les bosquets du château de Versailles. Sous les fenêtres du petit roi, qui se termine par la colère homérique d'un des précepteurs du jeune roi qui apprend que son petit-fils fait partie des jeunes sodomites et qui pousse des hurlements. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Bah écoutez, mon bon monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Ne faites pas intervenir le roi pour régler vos problèmes de famille. Il demande une lettre de cachet pour exiler son fils. Ceux qui veulent rectifier les mœurs passent pour des crétins, quoi. C'est la grande licence, c'est vraiment la grande licence, quoi. Marion, ces mœurs licencieuses vont être calmées par un grand événement, le grand événement du début du XVIIIe siècle. Vous en parlez dans votre livre, c'est un chapitre passionnant, c'est celui concernant la peste de 1720. Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît, cet événement et qu'est-ce qu'il nous dit sur la Régence ? On peut résumer le vice de la Régence par l'attrait de la grosse galette. C'est-à-dire que vraiment, c'est la première fois dans l'histoire de France que la fortune immédiate irrésistible est à la portée, non pas du plus grand nombre, mais disons du tout venant. Hein. Et cet attrait de la grosse galette, cet amour de l'argent, fait que au mois de mai 1720, à Marseille, un navire a pu entrer dans la rade de Marseille, porteur de très très forts soupçons de peste, et qu'on ne l'ait pas arrêté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait à l'intérieur de ce bateau une cargaison de soieries et d'étoffes précieuses tellement énormes qui devait être présentée à la foire de Beaucaire sur le Rhône deux mois après, que les échevins de la ville, c'est-à-dire les autorités responsables de la ville et donc de sa sécurité, qui étaient à la fois responsables de la sécurité de la ville mais propriétaires de la cargaison, ont laissé passer le bateau à travers les mailles d'un système qui était fait pour prémunir la ville contre la peste. Tout était prévu pour empêcher la peste d'entrer en cas de doute. Et là, les échevins ont laissé passer. Et on peut vraiment dire que la peste est entrée à Marseille à la mi-mai 1720, parce que l'amour de la grosse galette a aveugler les gens qui étaient responsables de la sécurité de la ville. Alors, il y a des noms qui entrent. Jean-Baptiste Estelle, par exemple. Il était premier échevin de la ville de Marseille. Il était propriétaire du bateau. Vous parlez également de Jean-Baptiste Audimard, Balthazar Dieudet. Voilà. Tous ces gens qui étaient responsables de la sécurité de la ville avaient un intérêt à laisser passer un bateau. Et le capitaine du navire. Le capitaine n'a pas été mis en cause. Le capitaine est entré dans la ville en faisant... il a fait sa déclaration aux intendants de santé. Il a fait une déclaration tout à fait honnête. Il dit « Je suis parti de tel port avec ce qu'on appelle une patente nette, c'est-à-dire un certificat de mon port de départ disant qu'il n'y a pas la peste à bord, mais j'ai eu 4 morts depuis. » C'est-à-dire qu'il a fait une déclaration honnête. Et les intendants, à l'arrivée, ont regardé, patente nette, donc pas de peste à bord, donc on va faire comme s'il ne se passait rien. Et ils ont infesté la ville. La ville de Marseille a perdu la moitié de sa population. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire de Marseille, c'est que, à la fois, j'ai été happée quand j'ai lu cette histoire. J'ai lu plein de bouquins, j'ai lu 5 ou 6 bouquins, des documents de l'époque. Enfin, je me suis passionnée, j'ai passé tout l'été de l'année dernière là-dessus. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'histoire de la peste à Marseille, c'est à la fois l'histoire d'une horreur épouvantable, je veux dire, une ville qui perd la moitié de ses habitants, il y a des cadavres partout, c'est épouvantable, c'est abominable, et c'est à la fois le développement d'un héroïsme, d'un dévouement, c'est époustouflant. Et notamment des autorités ecclésiastiques. Alors, j'y viendrai pour les autorités ecclésiastiques, mais les mêmes échevins qui étaient responsables de l'entrée de la peste à Marseille ont été héroïques à tel point qu'on les a récompensés à la fin de l'épidémie. Je veux dire, ces gens ont développé suraigu le sens de leur devoir. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils aient fait ça par esprit de culpabilité ou quelque chose comme ça. Ils ont fait leur devoir, ils avaient une ville à sauver et ils ont fait au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, pendant 6 mois, n'ont pas dormi, répondaient à toutes les sollicitations, couraient à droite, couraient à gauche, allaient ici, allaient là. Ils étaient eux-mêmes en contact avec les pestiférés. Ce ne sont pas des gens qui sont restés dans le cadre de la mairie à donner des ordres. Ils étaient sur tous les fronts. Ils n'ont pas été infestés, ce qui est extraordinaire. Le personnel de la mairie de Marseille, ça devait représenter 500 personnes, ils se sont retrouvés à 7. Sept personnes. Et ils avaient, pour ramasser les cadavres et pour faire tous les travaux dont ils avaient besoin, il fallait construire des hôpitaux, il fallait faire des hôpitaux de tentes, le Mistral passait, arracher les tentes, il fallait recommencer, on allait chercher des forçats aux galères, il n'y avait pas de chaussures parce que tous les artisans avaient fui, alors on allait dans des couvents demander à des religieuses si elles voulaient bien faire des chaussures, puis après, ils étaient sur tous les fronts, il fallait en même temps écrire en permanence au gouvernement. Alors c'est intéressant parce que le contact entre Marseille, qui a été une ville close, hein, les autorités royales, dès qu'ils ont vu qu'il y avait la peste, tac, on a interdit de sortir de Marseille. Donc tous les gens qui étaient dedans étaient piégés, était piégé. La seule échappatoire à la peste, c'est la fuite. Donc une fois que la fuite est plus possible, c'est la loterie. C'est la loterie. Et tous les gens qui étaient dedans savaient qu'il n'y avait aucune chance de s'en sortir. Et pourtant, l'autorité royale est restée en permanence en contact avec la ville parce que l'intendant de Provence se trouvait à Aix-en-Provence, c'est-à-dire une petite trentaine de kilomètres au nord de Marseille. Et un sas avait été organisé dans la campagne pour faire passer des lettres entre les autorités de Marseille et les autorités d'Aix-en-Provence, les autorités royales, l'autorité royale à Aix-en-Provence. Donc c'était un sas. Il y avait des gens qui passaient, ils passaient leur courrier à la fumée, enfin, et ils passaient le courrier comme ça. Et le contact n'a jamais été rompu. Donc ces intendants, enfin ces responsables municipaux ont été absolument extraordinaires. Et une autre personnalité pour laquelle je me réserve de faire un jour une conférence, hein, je pense que je vais aller la faire à Marseille, il est question de ça pour l'automne prochain, c'est l'évêque de Marseille. Vous pouvez brosser les premiers traits de votre conférence à ce micro, Marion Sigaud. L'évêque de Marseille s'appelait Henri de Belzunce. Alors c'était un pro-jésuite et un anti-janséniste convaincu. Hein, il était absolument convaincu que le jansénisme était une hérésie. Et c'était ce qu'on appelle un saint homme. C'est-à-dire que quand la peste s'est déclarée, les autorités sont venues le voir en disant « Monseigneur, c'est la peste. La seule issue, c'est de vous enfermer chez vous. » Il a dit « Moi, m'enfermer, alors que la population a besoin de moi. » Qu'est-ce que c'est le rôle de l'Église dans la peste? C'est, les gens meurent et ils veulent les sacrements, c'est comme ça, la France est chrétienne. Quand on est mourant, on veut absolument les consolations des derniers sacrements. Et c'est comme ça. Et alors, là, il y avait les autorités municipales pour pourvoir à tout le reste, mais pour ce qui concerne ce qu'on appelle les consolations spirituelles, il y avait l'archevêque et tout son entourage, et il est resté seul, vivant. Ils sont tous morts autour de lui, tous, et lui non. Il était à pied du matin au soir, montant dans les étages, croisant des mourants. Enfin, il a jamais, jamais, jamais voulu s'arrêter. Quand, au début, les premiers morts étaient emmenés dans des corbillards, et à un moment donné, on a commencé à faire circuler des charrettes dans lesquelles on jetait les cadavres. Et là, pour la population, c'était l'horreur. Ils disaient « Non, non, vous n'allez pas mettre mon mari, ma fille, ma sœur dans cette charrette. C'est impensable, je ne veux pas. » Et pour convaincre les gens, il est lui-même monté dans une charrette et il a dit « Suivez-moi ». Et il avait fait un testament. Monseigneur de Belzunce a fait un testament dans lequel il demandait expressément que s'il mourait à la tâche, on le jette dans la première charrette venu et qu'on ne lui fasse pas de traitement spécial. Il est resté debout miraculeuse. Alors je sais pas pourquoi. J'ai mon idée pour ce qui concerne la survie de la plupart des magistrats de la mairie de Marseille. Parce que, en étudiant un petit peu ce qui faisait fuir la peste, j'ai appris que, dans l'Antiquité, quand il y avait la peste, les gens s'enduisaient d'urine de cheval, d'urine de jument ou d'urine de cheval. Parce que, alors c'était empirique, ils ne savaient pas pourquoi, mais ils savaient que les gens qui sentaient le cheval n'avaient pas la peste. En fait, l'explication, elle est très simple. La peste est portée par les puces, et les puces détestent l'odeur de cheval. Et en fait, les magistrats, ils étaient à cheval toute la journée. Donc, ils sentaient le purin, ils sentaient le cheval. C'est très fort, une odeur de cheval. Un cavalier, ça porte vraiment une odeur particulière. Et il y a notamment un autre héros de la peste, qui est le Chevalier Rose. Alors, le Chevalier Rose, c'est un jeune aristocrate de Marseille qui n'est absolument pas édile. Il n'a rien à voir avec la municipalité, c'est pas du tout un religieux, c'est un ancien militaire d'une cinquantaine d'années qui est là, qui est disponible, il n'a pas de famille, il est veuf, et il va se dévouer corps et âme, nuit et jour, à faire tous les travaux les plus abominables, les plus affreux. Il va aliéner une partie de sa fortune. Monseigneur de Belzunce va faire la même chose. Monseigneur de Belzunce va aliéner une partie de ses biens, enfin, autant qu'il peut. On vend, mais qui est-ce qui va acheter, hein? Qui est-ce qui va acheter? C'est plus facile c'est plus facile à dire qu'à faire, et ces gens-là vont tout faire pour sauver la population de Marseille. Marion Sigaud, le 22 février 1723, le jeune Louis XV a 13 ans. Oui. Il va faire le choix de reconduire Philippe dans ses fonctions. Absolument. Ouais. Un choix étonnant. Et c'est un choix étonnant, c'est la confiance qu'il lui exprime, c'est la confiance et l'affection qu'il lui exprime. Et il va également confirmer dans ses fonctions l'abbé Dubois devenu cardinal Dubois, devenu premier ministre, alors le fils de l'apothicaire. On a souvent entendu dire, hein, dans l'ancien régime, les gens ne faisaient pas carrière. Hein, si on n'était pas né aristocrate, eh bien, le fils de l'apothicaire est devenu cardinal et premier ministre. Et beaucoup d'autres choses. Et le petit roi les a tous les deux confirmés dans leur poste, mais ils sont morts l'un après l'autre, assez rapidement. Quelques mois plus tard, l'abbé Dubois, le cardinal Dubois, vont mourir tous les deux. Le cardinal Dubois d'une maladie grave à la vessie qu'il avait depuis longtemps. Et Philippe, il est mort de ses excès dans les bras de sa maîtresse. Je crois qu'il a fait une crise d'apoplexie, mais il mangeait vraiment, il buvait vraiment trop. Quoi. Et là, vous concluez, une page d'Histoire de France se tournait. Alors, une page d'Histoire de France se tourne, les magistrats sont de nouveau en selle, les jansénistes sont tout puissants et bon courage au petit roi, ça va être dur. Le tournant de la Régence, Marion Sigaud aux éditions Contre-Culture, donc disponible bien sûr sur le site www.contreculture.com. 16 € pour 236 pages, un livre plus épais que les autres manuels, Marion. Oui, il avait même été question à un moment donné de le scinder en deux, et puis il n'y avait pas de cohésion possible sur chaque manuel. Donc on en a fait un simplement un peu plus épais. Voilà, mais quand je travaille trop. Donc un livre très clair et passionnant, vraiment, qui se lit très facilement. Marion, merci beaucoup pour votre travail. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Vous avez pris du plaisir en l'écrivant ? Oh, énormément. Vous avez mis combien de temps à l'écrire ? J'y ai passé un an plein, je pense, un an plein, et la préparation, ça fait quand même ces dernières années, j'avais accumulé beaucoup de documents avant. Déjà, le chapitre sur la peste, tout l'été dernier, j'ai passé tout l'été dernier dessus. Et là, vous êtes en train d'écrire un livre en ce moment ? Oui, je prépare un manuel d'histoire. Je vais préparer un manuel d'histoire, je ne m'y suis pas encore mise, mais j'ai des tas de choses en gestation sur une période de la Révolution française qui est très très importante, qui est mars 1792, qui va voir le déclenchement de la guerre aux frontières et qui est sur fond de révolte généralisée de la population rurale contre la Révolution et le libéralisme. Vous vous rapprochez de la terre, peut-être deviendrez-vous robespierriste. Oh bah sûrement, oui. Ah bah il n'y a pas de danger. Ça, il n'y a pas de danger. Non, j'en sais trop là. Ça, c'était avant. Robespierriste, c'était avant. Maintenant, j'en sais trop. C'est plus possible. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, avant de conclure cette émission, laissez-moi vous rappeler que le dernier Soral répond est disponible sur le site d'Égalité et Réconciliation au prix de 2,99€ pour plus de 5 heures de vidéos pédagogiques. Merci pour votre soutien. Je vous informe également que deux événements auront lieu ce samedi 1er avril. Le premier à Paris, où se déroulera une conférence de Stéphane Blé intitulée « La franc-maçonnerie, l'effrayante vérité », dont le livre éponyme vient de sortir aux éditions Contre-Culture et est disponible d'ores et déjà en pré-vente sur le site www.contreculture.com. Pour la conférence à Paris, les réservations se font à l'adresse idf-evenement@e-r.fr. Chers auditeurs parisiens, la section Île-de-France d'Égalité et Réconciliation vous attend nombreux. Si vous êtes dans le sud-ouest, un événement important va se dérouler dans la ville de Perpignan, l'ouverture du tour anniversaire ER qui va traverser la France pour fêter les 10 ans d'égalité et réconciliation. À cette occasion, à Perpignan, vous pourrez rencontrer des auteurs dont Alain Soral, des membres de l'association, assister à des conférences, à des animations festives ainsi qu'un concert de Philippe Guepp ou encore déguster une bonne paella maison. Pour cet événement, la section perpignanaise vous accueillera chaleureusement. N'hésitez pas à réserver votre place à l'adresse conference.perpignan@gmail.com. Chers auditeurs, nous allons maintenant conclure cette émission en musique sur les notes de Philippe Guepp. Justement, son album Le Retour du Roi est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Hologramme 2042. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Thank you. coincé dans le système. Je ne reçois plus rien de vous. Si les lumières s'éteignent, c'est que nous sommes si loin de tout. Nos circuits sont filtrés dans des modems. Les esprits sont devenus fous. Dans le grand théorème de cette toile qui dévore tout. Un monde s'éteint devant tes yeux, un beau matin de 2042. Oh. Je prends ma capsule d'oxygène, mes nuits ne seront plus les mêmes. Difficile de croire au lendemain. Moi, particule élémentaire de cette grande horloge planétaire. Suis-je encore humain? Je n'en sais rien. Et si tout se trouble et puis s'éteint? Et si? Je suis hologramme dans le système. Hologramme. Hologramme dans le système. Aspiré dans l'espace, nos implants ne répondent plus. Ici nos vies se diluent, le temps passe. Mais plus rien n'ondule et plus rien n'en vue. L'étincelle brillait dans tes yeux, elle s'éteint au jour de 2042. Oh. Ma dernière capsule d'oxygène, et mes nuits ne sont plus les mêmes. Difficile de croire au lendemain. Moi, particule élémentaire de cette grande horloge planétaire. Le nouvel ordre aura besoin de nous. Comme un poison qui rend fou.